franceinter.fr. J'étais confortablement allongé avec ma fille et son petit ami. Elle a voté Hollande aux primaires. Vous avez regardé ce débat de mercredi avec votre fille, mais est-ce que vous pensez que finalement, la politique aujourd'hui n'intéresse plus personne d'autre que les politiciens eux-mêmes ? Non, je ne crois pas. Et j'ai au contraire le sentiment que la présidence Sarkozy a apporté des illusions et en même temps donne encore le sentiment d'un président omniprésent, autocrate, d'une sorte de Nosferatu le vampire dont les griffes s'étendent sur tout, à tort ou à raison. Et qu'il y a sans doute le désir, alors c'est peut-être un désir illusoire, mais de se rendre de nouveau maître de son propre destin, autant qu'on peut l'être. Et ça redonne de l'importance à ce que peut être un bulletin de vote, à ce que peut être un suffrage, et à ce que va être cette présidentielle. Donc je pense au contraire qu'on va être sans cesse requis et sollicité, comme on l'a rarement été, par l'imaginaire et par le spectacle de la politique. Moi-même, je le sens presque comme écrivain, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis assez peu enclin à écrire de la fiction, parce que ce n'est pas le moment, d'une certaine façon, et que, sans que le moment soit forcément historique, on est tellement happé par le spectacle de cette politique, et notamment par les primaires socialistes, qu'il y a comme une sorte de réquisite du réel qui se manifeste à travers la politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, Marc Lambron ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que les écrivains ne sont pas forcément en divorce avec leur époque et que quand des événements ou des personnages, d'une certaine manière, s'imposent ou en tout cas sollicitent leur imaginaire, eh bien, ils préfèrent aller vers une écriture du réel que vers de la pure fiction. Et pendant ce temps, les Grecs dansent. Vous connaissez bien la Grèce, Marc Lambron ? Non, je ne connais pas très bien la Grèce, mais je suis allé en Grèce au mois de juin pour un voyage archéologique organisé par le Louvre en Macédoine, en Grèce du Nord, notamment à Thessalonique, qui en est la capitale. Et ce qui m'a frappé, il faisait très beau, très chaud, c'était l'espèce de movida, pour emprunter un mot espagnol, qui régnait à Thessalonique. Ça veut dire une ambiance de folie. Une ambiance de folie. Les rues envahies de promeneurs, les terrasses des cafés étaient pleines, la musique sortait à grands jets des boîtes de nuit, on se promenait sur le front de mer et il y avait un sentiment de fête, d'insouciance. Alors qu'ils sont ruinés. Donc oui, je me disais, les Grecs dansent sur un volcan et ils sont en quelque sorte historiquement vaccinés ou immunisés par 25 siècles de grandeur, par leur histoire pour le coup. Ou alors ils n'en veulent rien savoir du présent, du réel et de M. Jean-Claude Trichet. Mais en tout cas, oui, c'est le sentiment d'une sorte de fête movable feast, comme disait Hemingway, une fête mouvante, une fête qui se déplace, et pas du tout la consternation qui devrait régner dans un pays aux abois. Merci Marc Lambron. Merci à vous. Et tout de suite, nous avons rendez-vous avec Monsieur X. La comparaison est impitoyable. Le 17 octobre 1961, la police parisienne et ses supplétifs ont tué plus de manifestants nord-africains désarmés que les militaires chinois sur la place Tiananmen en juin 1989. Et pourtant, alors que dans le monde entier, la condamnation des autorités de Pékin a été quasi unanime, la tuerie parisienne n'a suscité que peu de réprobation. Et il a fallu attendre les années 80 pour que la vérité se fasse jour sur un véritable massacre. La répression d'État la plus violente et la plus meurtrière qu'ait jamais subie une manifestation de rue désarmée dans l'histoire contemporaine de l'Europe occidentale, selon les universitaires britanniques Jim House et Neil McMaster. Pourquoi un aussi long silence ? Observez, tant à Paris que dans le camp des indépendantistes algériens. Pourquoi aussi un tel déchaînement de haine qui a causé la mort de dizaines de Nord-Africains en 1961, alors même qu'on s'acheminait vers la paix en Algérie et que les autorités françaises avaient commencé à négocier avec le gouvernement provisoire algérien? Pour M. X, qui revient sur cette affaire 50 ans après, il est évident que la tuerie a été préméditée et qu'elle répondait à d'obscurs objectifs politiques. Les historiens parlent aujourd'hui de la bataille de Paris. Oui, comme on a parlé de la bataille d'Alger. Et oui, et le parallèle est pertinent. Et dans cette mesure, le massacre du 17 octobre 1961 n'est que l'événement le plus meurtrier d'un cycle de violence qui avait commencé quelques mois plus tôt, mais qui en réalité avait été programmé dès 1959. Et par qui alors? Bon, je répondrai un peu plus tard à votre question, mais auparavant, voyons le contexte. En janvier 1961, les électeurs français ont massivement approuvé la politique gaulliste d'autodétermination de l'Algérie. Et en avril, le général de Gaulle a clairement évoqué l'indépendance de l'Algérie. Ouais, l'Algérie algérienne. Et simultanément, on assiste à l'échec du putsch des généraux d'Alger. Mais la conséquence, c'est la naissance de l'OAS. Hein. Et le début des attentats qui vont frapper l'Algérie, mais aussi la métropole. En même temps, en métropole, justement, une autre guerre a commencé, essentiellement à Paris. Elle met aux prises les militants nationalistes algériens et une force de police auxiliaire. Oui, je vois ce que vous voulez dire, les calots bleus, c'est ça. Les harkis, recrutés dès 1959 par le préfet de police Maurice Papon, à l'initiative du Premier ministre Michel Debré. Une unité, la force de police auxiliaire, FPA, commandée par un capitaine français, Raymond Montaner, et qui a la réputation de pratiquer régulièrement la torture sur les gens qu'elle arrête. Mmh. Et au besoin, ces supplétifs procèdent à des exécutions sommaires. Au reste, ils disposent aussi d'un centre de rétention à Vincennes. Un centre où peuvent être internés sur simple décision administrative tous les Nord-Africains suspects. Et je vous laisse imaginer dans quelles conditions ils sont accueillis. Mmh. Mais quelle est la vraie mission de cette unité, là, la FPA? Lutter contre le FLN métropolitain par tous les moyens. Il faut en effet savoir que l'une des principales sources de financement de l'organisation indépendantiste repose sur les cotisations des militants qui travaillent en France. Une sorte d'impôt. Si vous voulez. Par conséquent, tout est bon pour essayer de tarir ce flux d'argent, y compris les méthodes les plus violentes. Au mois d'avril 1961, par exemple, on assiste à des événements très graves à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Oui, c'est un quartier où habitent beaucoup de Nord-Africains. Des FEMA, comme on dit dans la police, c'est-à-dire des Français musulmans d'Algérie. Au mois d'avril, donc, les supplétifs se déchaînent et lancent une série d'opérations d'une extrême violence contre leurs frères. Quel bilan, alors? Il y a des dizaines de blessés. Et la seule réaction de Maurice Papon sera de faire saisir le journal Libération, qui a eu le tort de rapporter les faits. Eh bien, voyons. Et ces harkis peuvent donc agir en toute impunité? Pratiquement, oui. Mmh. Mais il faut aussi dire que lorsque l'un d'entre eux tombe dans les mains du FLN, ça se termine très mal. Bah, il va être considéré comme traître. Et exécuté en tant que tel, oui. Quoi qu'il en soit, on assiste ensuite à une relative accalmie. Le FLN a renoncé aux attentats et les rafles de Nord-Africains sont moins nombreuses. Il y a une raison? Bien entendu. À Évian, le gouvernement français négocie avec le GPRA, le gouvernement provisoire algérien. Mais fin juillet, c'est la rupture. Rappelez-moi à propos de quelle question? Le Sahara. Et ses réserves pétrolières? Évidemment. Oui. De Gaulle ne veut rien céder sur le pétrole et aussi sur le pas de tir où on expérimente la bombe atomique. Oui. Mais il finira par changer d'avis. Hein. Partiellement, oui. C'est ce qu'il affirme dès le début du mois de septembre au cours d'une de ses célèbres conférences de presse. Mais auparavant, il s'est passé un événement politique important. Edmond Michelet, le ministre de la Justice, est débarqué. Il y a longtemps que le Premier ministre Michel Debré voulait se débarrasser de cet homme réputé pour son humanisme. Mais Debré a donc fini par avoir sa tête. Et quelle est la signification politique de ce débarquement? Manifestement, dans la conduite des affaires algériennes, c'est la ligne dure qui l'a emporté. Et ce n'est pas très surprenant. Fidèle à sa tactique habituelle, le général de Gaulle veut négocier en position de force. Autant sur le terrain, en Algérie même, qu'en métropole, où le gouvernement entend s'opposer avec la plus grande fermeté aux activités des nationalistes algériens. Ouais. Alors c'est un nouveau feu vert pour cette police auxiliaire ? Oh bah absolument. Dès le mois d'août, alors que les Français sont en vacances, la répression s'intensifie. Policiers et auxiliaires harkis multiplient les rafles, les perquisitions et les mesures de rétention. Et bientôt, on va retrouver chaque jour ou presque des cadavres d'Algériens dans la Seine. Assassinés. Bien entendu. Mmh. Alors bien sûr, on va prétendre qu'il s'agit de règlement de compte entre factions rivales. Ouais, le FLN contre le MNA de Messali Hadj. Mais c'est faux, parce qu'en ce début d'automne 61, il y a déjà longtemps que le FLN a supplanté le parti rival. Mmh. Ce sont donc là, des policiers ou alors ces supplétifs nord-africains qui sont les responsables de ces assassinats. Oui, il s'est alors constitué des sortes d'escadrons de la mort au sein des forces de l'ordre. Des gens qui sont généralement proches de l'OAS. Conséquence immédiate, le FLN recommence à s'attaquer aux policiers et aux gendarmes. Entre la fin août et le début octobre, 11 d'entre eux sont tués et plusieurs autres sont blessés. Ouais, des attentats individuels. Cette vague d'assassinats provoque une intense émotion au sein de la police. Les plus résolus demandent des condamnations à mort et certains parlent de se faire justice eux-mêmes. Mais certains ont déjà pris les devants. Hein. Et en effet, il ne faut pas oublier que si la plupart des policiers de l'époque sont républicains, bah, il existe aussi des hommes recrutés dans les années 50, du temps du préfet Baylo et du commissaire Did, qui se situent clairement à l'extrême droite. Et ceux-là se sentent encouragés par le préfet Papon qui déclare publiquement à ses policiers « Pour un coup reçu, nous en porterons 10 ». Un appel à la vengeance. Bah, ça me paraît clair. Ouais. Papon qui invite aussi les policiers à tirer les premiers dès qu'ils se sentent menacés et leur promet qu'ils seront toujours couverts. Alors il leur accorde un permis de tuer au fond. Ah bah pire encore, le préfet leur dit que si un Nord-Africain est abattu, leur supérieur s'arrangera pour qu'on trouve une arme sur lui. Là je n'invente rien. J'ai trouvé cette citation dans un compte-rendu syndical. Et c'est encore une des décisions de ce même Papon qui va provoquer le drame. Le 5 octobre, il instaure un couvre-feu pour les Nord-Africains dans le département de la Seine et la banlieue parisienne. Est-ce légal, ça ? Le général de Gaulle, grâce à l'article 16 de la Constitution, disposait alors des pleins pouvoirs. Ce couvre-feu vise donc à réduire l'activité du FLN, qui est essentiellement nocturne, puisque dans la journée, les hommes sont au travail. Il s'agit donc de mettre un terme aux collectes de fonds ? Et d'aboutir à une asphyxie progressive du FLN métropolitain. En outre, il est fortement recommandé aux Nord-Africains d'éviter de circuler en groupe car les assassinats de policiers étaient généralement perpétrés par des commandos de 3 ou 4 hommes. Papon ajoute une mesure encore plus discriminatoire. Tout Français musulman circulant en voiture, de jour comme de nuit, doit être interpellé et son véhicule conduit provisoirement à la fourrière. Ouais, des mesures discriminatoires. Hein. Mais aussi racistes, puisque c'est le seul faciès qui permet de distinguer le Nord-Africain du Français ordinaire. Et bientôt, c'est d'ailleurs une véritable chasse aux faciès qui va s'ouvrir. Rendez-vous avec X. Jean-Luc Enaudi a publié en 1991 La bataille de Paris. Il évoque les exactions commises par les supplétifs nord-africains extraits. Les supplétifs de la force de police auxiliaire multiplie les interventions en banlieue. À Saint-Denis, armés de mitraillettes, ils pénètrent chez les commerçants, fouillent les passants et les malmènent dans les rues. Le 2 octobre, ils pénètrent dans un café, 66 boulevard Félix Faure. Quand ils ressortent, Boiris Hamar gît à terre, inanimé. Le maire de Saint-Denis, Auguste Gillot, le conduit à l'hôpital. Dans la soirée, les supplétifs montent dans les autobus pour fouiller les voyageurs. Des femmes françaises sont giflées. Le maire et d'autres élus de la ville se rendent au commissariat de police, situé alors en face de la mairie, pour protester. Un commissaire fait intervenir des policiers en tenue qui les matraquent. Quelle est la réaction de la direction du FLN là, vis-à-vis de ce couvre-feu ? Les dirigeants de la Fédération de France, réfugiés en Allemagne,

qui ont désapprouvé ces violences. Et sans doute plus nombreux qu'on ne le pense, mais la plupart se sont tués. Alors quoi, réflexe de solidarité avec leurs collègues ou... Oh, bien lâcheté. Et c'est plus tard, beaucoup plus tard, que certains soulageront leur conscience. Quelquefois, après 30 ans de silence, un silence d'abord imposé par le gouvernement qui n'a pas ménagé ses efforts pour faire taire toutes les voix contestataires, en saisissant par exemple le film de Jacques Panigel, qui restera longtemps interdit. Ouais. Il fallait donc tout faire pour ne plus reparler de ces événements. Et puis ensuite, il y a eu l'oubli, tout simplement. Cependant, un autre drame d'importance a sûrement contribué à effacer des mémoires les événements du 17 octobre. De quoi voulez-vous parler, là ? Des morts de Charonne en février 1969. Ouais, c'est-à-dire 9 manifestants de la CGT du Parti communiste qui se trouvaient au milieu d'un défilé de protestation contre les crimes de l'ORS. C'est ça. Des hommes et des femmes qui ont été piétinés et précipités par la police dans les escaliers d'une bouche de métro fermée et qui sont morts étouffés. Vous en souvenez sans doute, ce drame a provoqué une grande émotion et des centaines de milliers de personnes ont suivi les obsèques des victimes. Et longtemps encore, ces morts demeureront dans la mémoire collective des Français. Mais pas le massacre des Nord-Africains d'octobre. Et pourtant, c'était la même police et peut-être les mêmes hommes, ainsi que l'a écrit un journaliste de l'Express. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence. Ces 9 victimes innocentes ont compté bien plus que les dizaines et dizaines de Nord-Africains tués quelques mois plus tôt. Une autre forme de discrimination ? Ah, je n'ose le dire. Est-ce qu'on peut se risquer maintenant là, à évoquer un bilan des victimes du 17 octobre ? Ce n'est pas facile, ne serait-ce que parce que de nombreuses archives ont disparu. Ouais, ça ne doit pas être innocent, j'imagine. Et quand elles n'ont pas disparu, on a tout fait pour que leur accès soit le plus difficile possible. Oui, il faut rappeler que 2 archivistes ont été sanctionnés à propos de ces archives en 1999. Alors, le bilan ? L'historien Jean-Luc Enaudi, en rapprochant plusieurs documents et surtout en recueillant de nombreux témoignages, est parvenu au chiffre de 200 morts. Autre point de vue, celui d'un homme qui était bien placé pour savoir. Qui ? Constantin Melnik. Ah oui, le conseiller de Michel Debré. Qui était alors chargé des affaires de renseignement auprès du Premier ministre. Melnik a déclaré, mais longtemps après les faits, qu'il évaluait le nombre de morts entre 150 et 300. En effet, selon lui, après le 17 octobre, on repêchait chaque semaine dans la Seine une 20aine de cadavres de Nord-Africains. Ouais. Mais officiellement, le bilan est toujours de 3 morts. Ah bah c'est ce qu'a toujours prétendu Papon. Et loin de moi l'idée de l'excuser, mais je pense qu'il a vu dans cette explosion de violence une façon d'évacuer la colère de sa police exaspérée par l'assassinat de plusieurs de ses membres. Une sorte de soupape de sécurité. Ah, il a donc lâché ses chiens. Et en cela, il a été soutenu par le pouvoir qui a toujours craint, par-dessus tout, de voir sa police descendre dans la rue. En tout cas, le massacre n'a jamais été reconnu officiellement par les autorités françaises, quels que soient les gouvernements. Et aucun responsable n'a été désigné et poursuivi, puisqu'une loi d'amnistie adoptée en 1962 a blanchi tous les auteurs de crimes commis à l'occasion de la guerre d'Algérie. Au début de cet entretien, vous avez insinué que derrière cette sauvagerie, il y avait aussi des objectifs politiques. Parfaitement. Il ne faut pas oublier qu'il existait au sein du gouvernement et des institutions de l'époque des opposants à la politique algérienne du général de Gaulle. Et ces gens-là, dans la foulée du coup du 13 mai 1958, ont mis en place en métropole une véritable guerre antisubversive, à l'image de ce que les militaires français avaient fait en Indochine ou continuaient de faire en Algérie. C'est à la lumière de cette information qu'il faut considérer la création de cette force de police auxiliaire, Arki. D'accord, mais le 17 octobre 1961, les jeux sont faits, l'Algérie sera indépendante. Bon, bah, écoutez, voyez ça comme un baroud de dernière minute, une dernière manifestation de ces hommes qui, de l'intérieur, essayaient de saboter la politique du général. Ouais, en retardant l'inéluctable. Et en essayant par là même de compliquer les négociations ouvertes avec les émissaires algériens. Et ces manœuvres souterraines expliquent aussi pourquoi il avait fallu débarquer Michelet du gouvernement et remplacer le ministre de l'Intérieur, Châtenay, par un homme tout acquis à la politique de la force, Roger Frey. Michelet, s'il était demeuré garde des Sceaux, ne serait pas resté sans réagir s'il avait eu connaissance des exactions commises par les calots bleus de Papon. Mais on en reparlera peut-être un jour de cette guerre antisubversive et de la bataille de Paris. Ah bon, bah je prends note. Hein. Cependant, pour terminer, il faut aussi regretter l'attitude des Algériens du GPRA qui, dans une certaine mesure, ont été les complices objectifs de tous ceux qui voulaient faire le silence sur le 17 octobre 61. Et pour quelle raison alors ? Le futur pouvoir algérien se méfiait beaucoup de ces Algériens de France, troupes occidentalisées, des laïcs qui étaient attachés au pluralisme politique et qui, scandale, niaient le postulat officiel qui voulait que la force des indépendantistes réside dans son armée. Une armée qui campait surtout à la frontière tunisienne. Hein. Peu importe, les gens du GPRA refaisaient déjà l'histoire avant même d'avoir vaincu. Et pour eux, il était hors de question de reconnaître que le sentiment indépendantiste était d'abord né dans l'immigration. C'est pourquoi ils ont sciemment oublié le 17 octobre, allant même jusqu'à peser de tout leur poids pour empêcher la publication en France d'un ouvrage qui racontait par le menu les ratonnades de Paris. Cet ouvrage cité par M. X, Le 17 octobre des Algériens, écrit par Marcel et Paulette Péju, vient d'être édité à La Découverte. Il est accompagné d'une analyse passionnante de Gilles Manceron. Autre ouvrage indispensable, Paris 1961, Les Algériens, la terreur d'État et la mémoire de Jim House et Neil McMaster. Et encore, La police française et les Algériens, 1945-1962, d'Emmanuel Blanchard. Vous trouverez leurs références et aussi une liste d'autres livres sur franceinter.fr. Et sur l'antenne de France Inter, sur le même sujet, vous pourrez aussi écouter lundi Jean Lemrin et sa marche de l'histoire, et également Daniel Mermet qui consacre 4 émissions au drame d'octobre 61. Rebecca de Nantes a préparé cette émission réalisée par Michel Billou et illustrée par Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, on part dans la nature, c'est au de mon amour de Denis Chessou.